8-22. Observation. Tableau récapitulatif. Masculin singulier. Mon, ton, son. Féminin singulier. Devant consonne. Ma, ta, sa. Devant voyelle. Mon, ton, son. Masculin et féminin pluriel. Mes, tes,